Presque aussitôt, après mon entrée à l'abbaye, j'avais été reçue dans l'association des saints anges. J'aimais beaucoup les pratiques de dévotion qu'elle m'imposait, ayant un attrait tout particulier à prier les bienheureux esprits du ciel, et particulièrement celui que le bon Dieu m'a donné pour être le compagnon de mon exil. Quelque temps après ma première communion, le ruban d'aspirante aux enfants de Marie remplaça celui des saints anges, mais je quittai l'abbaye n'étant pas reçue dans l'association de la Sainte Vierge. Étant sortie avant d'avoir achevé mes études, je n'avais pas la permission d'entrer comme ancienne élève. J'avoue que ce privilège n'excitait pas mon envie, mais en pensant que toutes mes sœurs avaient été enfants de Marie, je craignis d'être moins qu'elles l'enfant de ma mère des cieux, et j'allais bien humblement, malgré ce qu'il m'en coûta, demander la permission d'être reçue dans l'association de la Sainte Vierge à l'abbaye. La première maîtresse ne voulut pas me refuser, mais elle y mit pour condition que je rentrerais 2 jours par semaine l'après-midi afin de montrer si j'étais digne d'être admise. Bien loin de me faire plaisir, cette permission me coûta extrêmement. Je n'avais pas, comme les autres anciennes élèves, de maîtresse amie avec laquelle je pouvais aller passer plusieurs heures. Aussi, je me contentais d'aller saluer la maîtresse, puis je travaillais en silence jusqu'à la fin de la leçon d'ouvrage. Personne ne faisait attention à moi. Aussi, je montais à la tribune de la chapelle et je restais devant le Saint-Sacrement, jusqu'au moment où papa venait me chercher. C'était ma seule consolation. Jésus n'était-il pas mon unique ami? Je ne savais parler qu'à lui. Les conversations avec les créatures, même les conversations pieuses, me fatiguaient l'âme. Je sentais qu'il valait mieux parler à Dieu que de parler de Dieu, car il se mêle tant d'amour-propre dans les conversations spirituelles. Ah, c'était bien pour la Sainte Vierge toute seule que je venais à l'abbaye. Parfois, je me sentais seule, bien seule, comme au jour de ma vie de pensionnaire. Alors que je me promenais triste et malade dans la grande cour, je répétais ces paroles qui toujours faisaient renaître la paix et la force en mon cœur. « La vie est ton navire, et non pas ta demeure. » Toute petite, ces paroles me rendaient le courage. Maintenant encore, malgré les années qui font disparaître tant d'impressions de piété enfantine, l'image du navire charme encore mon âme et l'aide à supporter l'exil. La sagesse aussi ne dit-elle pas que la vie est comme le vaisseau qui fend les flots agités et ne laisse après lui aucune trace de son passage rapide? Quand je pense à ces choses, mon âme se plonge dans l'infini. Il me semble déjà toucher le rivage éternel. Il me semble recevoir les embrassements de Jésus. Je crois voir ma mère du ciel venant à ma rencontre avec papa, maman, les 4 petits anges. Je crois jouir enfin pour toujours de la vraie vie, de l'éternelle vie en famille. Avant de voir la famille réunie au foyer paternel des cieux, je devais passer encore par bien des séparations. L'année où je fus reçue enfant de la Sainte Vierge, elle me ravit ma chère Marie, l'unique soutien de mon âme. C'était Marie qui me guidait, me consolait, m'aidait à pratiquer la vertu. Elle était mon seul oracle. Sans doute Pauline était restée bien avant dans mon cœur. Mais Pauline était loin, bien loin de moi. J'avais souffert le martyre pour m'habituer à vivre sans elle, pour voir entre elle et moi des murs infranchissables. Mais enfin, j'avais fini par reconnaître la triste réalité. Pauline était perdue pour moi, presque de la même manière que si elle était morte. Elle m'aimait toujours, priait pour moi. Mais à mes yeux, ma Pauline chérie était devenue une sainte, qui ne devait plus comprendre les choses de la terre, et les misères de sa pauvre Thérèse auraient dû, si elle les avait connues, l'étonner et l'empêcher de l'aimer autant. D'ailleurs, alors même que j'aurais voulu lui confier mes pensées comme au Buissonnet, je ne l'aurais pas pu. Les parloirs n'étaient que pour Marie. Céline et moi n'avions la permission d'y venir qu'à la fin, juste pour avoir le temps de nous serrer le cœur. Ainsi, je n'avais en réalité que Marie. Elle m'était, pour ainsi dire, indispensable. Je ne disais qu'à elle mes scrupules. Et j'étais si obéissante que jamais mon confesseur n'a connu ma vilaine maladie. Je lui disais juste le nombre de péchés que Marie m'avait permis de confesser, pas un de plus. Aussi j'aurais pu passer pour être l'âme la moins scrupuleuse de la terre, malgré que je le fusse au dernier degré. Marie savait donc tout ce qui se passait en mon âme. Elle savait aussi mes désirs du Carmel, et je l'aimais tant que je ne pouvais pas vivre sans elle. Ma tante nous invitait tous les ans à venir les unes après les autres chez elle à Trouville. J'aurais beaucoup aimé y aller, mais avec Marie. Quand je ne l'avais pas, je m'ennuyais beaucoup. Une fois cependant, j'eus du plaisir à Trouville. C'était l'année du voyage de papa à Constantinople. Pour nous distraire un peu, car nous avions beaucoup de chagrin de savoir papa si loin, Marie nous envoyait à Céline et moi passé 15 jours au bord de la mer. Je m'y amusais beaucoup parce que j'avais ma Céline. Ma tante nous procura tous les plaisirs possibles, promenade à âne, pêche à l'équille, etc. J'étais encore bien enfant malgré mes 12 ans et demi. Je me souviens de ma joie en mettant de jolis rubans bleu ciel que ma tante m'avait donné pour mes cheveux. Je me souviens aussi de m'être confessée à Trouville même de ce plaisir enfantin qui me semble être un péché. Un soir, je fis une expérience qui m'étonna beaucoup. Marie Guérin, qui était presque toujours souffrante, pleurnichait souvent. Alors ma tante la câlinait, lui prodiguait les noms les plus tendres, et ma chère petite cousine n'en continuait pas moins de dire en larmoyant qu'elle avait mal à la tête. Moi qui presque chaque jour avais aussi mal à la tête et ne m'en plaignais pas, je voulus un soir imiter Marie. Je me mis donc en devoir de larmoyer sur un fauteuil dans un coin du salon. Bientôt, Jeanne et ma tante s'empressaient autour de moi, me demandant ce que j'avais. Je répondis comme Marie, j'ai mal à la tête. Il paraît que cela ne m'allait pas de me plaindre. Jamais je ne pus les convaincre que le mal de tête me fit pleurer. Au lieu de me câliner, on me parla comme à une grande personne, et Jeanne me reprocha de manquer de confiance en ma tante, car elle pensait que j'avais une inquiétude de conscience. Enfin, j'en fus quitte pour mes frais, bien résolue à ne plus imiter les autres, et je compris la fable de l'âne et du petit chien. J'étais l'âne qui, ayant vu les caresses que l'on prodiguait au petit chien, était venu mettre sa lourde patte sur la table pour recevoir sa part de baisers. Mais hélas, si je n'ai pas reçu de coups de bâton comme le pauvre animal, j'ai reçu véritablement la monnaie de ma pièce, et cette monnaie me guérit pour la vie du désir d'attirer l'attention. Le seul effort que je fis pour cela me coûta trop cher. L'année suivante, qui fut celle du départ de ma chère marraine, ma tante m'invita encore une fois, mais cette fois seule, et je me trouvais si dépaysée qu'au bout de 2 ou 3 jours je tombais malade, et il fallut me ramener à Lisieux. Ma maladie, que l'on craignait qu'il fût grave, n'était que la nostalgie des buissonnets. À peine y eus-je posé le pied que la santé revint. Et c'était à cet enfant-là que le bon Dieu allait ravir l'unique appui qui l'attacha à la vie. Aussitôt que j'appris la détermination de Marie, je résolus de ne prendre plus aucun plaisir sur la terre. Depuis ma sortie de pension, je m'étais installée dans l'ancienne chambre de peinture à Pauline et je l'avais arrangée à mon goût. C'était un vrai bazar, un assemblage de piété et de curiosité, un jardin et une volière. Ainsi, dans le fond, se détachait sur le mur une grande croix de bois noir sans Christ, quelques dessins qui me plaisaient. Sur un autre mur, une bourriche garnie de mousseline et de rubans roses avec des herbes fines et des fleurs. Enfin, sur le dernier mur, le portrait de Pauline à 10 ans trônait seul. En dessous de ce portrait, j'avais une table sur laquelle était placée une grande cage, renfermant un grand nombre d'oiseaux dont le ramage mélodieux cassait la tête aux visiteurs. Mais non pas celle de leur petite maîtresse qui les chérissait beaucoup. Il y avait encore le petit meuble blanc, rempli de mes livres d'études, cahiers, etc. Sur ce meuble était posée une statue de la Sainte Vierge, avec des vases toujours garnis de fleurs naturelles. Des flambeaux. Tout autour, il y avait une quantité de petites statues de saints et de saintes, des petits paniers en coquillages, des boîtes en papier Bristol, etc. Enfin, mon jardin était suspendu devant la fenêtre où je soignais des pots de fleurs, les plus rares que je pouvais trouver. J'avais encore une jardinière dans l'intérieur de mon musée et j'y mettais ma plante privilégiée. Devant la fenêtre était placée ma table, couverte d'un tapis vert, et sur ce tapis, j'avais posé au milieu un sablier, une petite statue de Saint-Joseph, un porte-montre, des corbeilles de fleurs, un encrier, etc. Quelques chaises boiteuses et le ravissant lit de poupée à Pauline terminaient tout mon ameublement. Vraiment, cette pauvre mansarde était un monde pour moi et comme monsieur de Maistre, je pourrais composer un livre intitulé « Promenade autour de ma chambre ». C'était dans cette chambre que j'aimais à rester seule des heures entières pour étudier et méditer devant la belle vue qui s'étendait devant mes yeux. En apprenant le départ de Marie, ma chambre perdit pour moi tout charme. Je ne voulais pas quitter un seul instant la sœur chérie qui devait s'envoler bientôt. Que d'actes de patience je lui ai fait pratiquer. À chaque fois que je passais devant la porte de sa chambre, je frappais jusqu'à ce qu'elle m'ouvre et je l'embrassais de tout mon cœur. Je voulais faire provision de baisers pour tout le temps que je devais en être privée. Un mois avant son entrée au Carmel, papa nous conduisit à Alençon, mais ce voyage fut loin de ressembler au premier. Tout y fut pour moi tristesse et amertume. Je ne pourrais dire les larmes que je versais sur la tombe de maman, parce que j'avais oublié d'apporter un bouquet de bleuets cueillis pour elle. Je me faisais vraiment des peines de tout. C'était le contraire de maintenant. Car le bon Dieu me fait la grâce de n'être abattu par aucune chose passagère. Quand je me souviens du temps passé, mon âme déborde de reconnaissance en voyant les faveurs que j'ai reçues du ciel. Il s'est fait un tel changement en moi que je ne suis pas reconnaissable. Il est vrai que je désirais la grâce d'avoir sur mes actions un empire absolu, d'en être la maîtresse et non pas l'esclave. Ces paroles de limitation me touchaient profondément, mais je devais, pour ainsi dire, acheter par mes désirs cette grâce inestimable. Je n'étais encore qu'une enfant qui ne paraissait avoir d'autre volonté que celle des autres, ce qui faisait dire aux personnes d'Alençon que j'étais faible de caractère. Ce fut pendant ce voyage que Léonie fit son essai chez les Clarisse. J'eus du chagrin de son extraordinaire entrée, car je l'aimais bien, et je n'avais pas pu l'embrasser avant son départ. Jamais je n'oublierai la bonté et l'embarras de ce pauvre petit père en venant nous annoncer que Léonie avait déjà l'habit de Clarisse. Comme nous, il trouvait cela bien drôle, mais ne voulait rien dire, voyant combien Marie était mécontente. Il nous conduisit au couvent, et là je sentis un serrement de cœur comme jamais je n'en avais senti à l'aspect d'un monastère. Cela me produisait l'effet contraire au Carmel où tout me dilatait l'âme. La vue des religieuses ne m'enchanta pas davantage, et je ne fus pas tentée de rester parmi elles. Cette pauvre Léonie était cependant bien gentille sous son nouveau costume. Elle nous dit de bien regarder ses yeux parce que nous ne devions plus les revoir, les Clarisses ne se montrant que les yeux baissés. Mais le bon Dieu se contenta de 2 mois de sacrifice, et Léonie revint nous montrer ses yeux bleus, bien souvent mouillés de larmes. En quittant Alençon, je croyais qu'elle resterait avec les Clarisses. Aussi ce fut le cœur bien gros que je m'éloignais de la triste rue de la demi-lune. Nous n'étions plus que 3 et bientôt notre chère Marie devait aussi nous quitter. Le 15 octobre fut le jour de la séparation, de la joyeuse et nombreuse famille des Buissonnet. Il ne restait que les 2 derniers enfants. De la joyeuse et nombreuse famille des Buissonnet, il ne restait que les 2 derniers enfants. Les colombes avaient fui du nid paternel. Celles qui restaient auraient voulu voler à leur suite, mais leurs ailes étaient encore trop faibles pour qu'elles puissent prendre leur essor. Le bon Dieu qui voulait appeler à lui, le bon Dieu qui voulait appeler à lui la plus petite et la plus faible de toutes, se hâta de développer ses ailes. Lui qui se plaît à montrer sa beauté et sa puissance en se servant des instruments les moins dignes, voulut bien m'appeler avant Céline, qui sans doute méritait plutôt cette faveur. Mais Jésus savait combien j'étais faible, et c'est pour cela qu'il m'a caché la première dans le creux du rocher. Lorsque Marie entra au Carmel, j'étais encore bien scrupuleuse. Ne pouvant plus me confier à elle, je me tournais du côté des cieux. Ce fut aux 4 petits anges qui m'avaient précédé là-haut que je m'adressais, car je pensais que ces âmes innocentes, n'ayant jamais connu les troubles ni la crainte, devaient avoir pitié de leur pauvre petite sœur qui souffrait sur la terre. Je leur parlais avec une simplicité d'enfant, leur faisant remarquer qu'étant la dernière de la famille, j'avais toujours été la plus aimée, la plus comblée des tendresses de mes sœurs, que s'ils étaient restés sur la terre, ils m'auraient sans doute aussi donné des preuves d'affection. Leur départ pour le ciel ne me paraissait pas une raison de m'oublier. Au contraire, se trouvant à même de puiser dans les trésors divins, ils devaient y prendre pour moi la paix et me montrer ainsi qu'au ciel on s'est encore aimé. La réponse ne se fit pas attendre. Bientôt la paix vint inonder mon âme de ses flots délicieux, et je compris que si j'étais aimée sur la terre, je l'étais aussi dans le ciel. Depuis ce moment, ma dévotion grandit pour mes petits frères et sœurs, et j'aime à m'entretenir souvent avec eux, à leur parler des tristesses de l'exil, de mon désir d'aller bientôt les rejoindre dans la patrie. Si le ciel me comblait de grâce, ce n'était pas parce que je les méritais, j'étais encore bien imparfaite. J'avais, il est vrai, un grand désir de pratiquer la vertu, mais je m'y prenais d'une drôle de façon. En voici un exemple. Étant la dernière, je n'étais pas habituée à me servir. Céline faisait la chambre où nous couchons ensemble et moi, et je ne faisais aucun travail de ménage. Après l'entrée de Marie au Carmel, il m'arrivait quelquefois, pour faire plaisir au bon Dieu, d'essayer de faire le lit, ou bien d'aller en l'absence de Céline rentrer le soir ses pots de fleurs. Comme je l'ai dit, c'était pour le bon Dieu tout seul que je faisais ces choses. Ainsi, je n'aurais pas dû attendre le merci des créatures. Hélas, il en était tout autrement. Si Céline avait le malheur de n'avoir pas l'air d'être heureuse et surprise de mes petits services, je n'étais pas contente, et le lui prouvais par mes larmes. J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Ainsi, s'il m'arrivait de faire involontairement une petite peine à une personne que j'aimais, au lieu de prendre le dessus et de ne pas pleurer, ce qui augmentait ma faute au lieu de la diminuer, je pleurais comme une madeleine, et lorsque je commençais à me consoler de la chose en elle-même, je pleurais d'avoir pleuré. Tous les raisonnements étaient inutiles, et je ne pouvais arriver à me corriger de ce vilain défaut. Je ne sais comment je me berçais de la douce pensée d'entrer au Carmel, étant encore dans les langes de l'enfance. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment. Et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël, en cette nuit lumineuse qui éclaire les délices de la Trinité Sainte. Jésus, le doux petit enfant d'une heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière, en cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour. Il me rendit forte et courageuse, il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincue en aucun combat, mais au contraire je marchais de victoire en victoire, et commençait pour ainsi dire une course de géants. La source de mes larmes fut tarie et ne s'ouvrit depuis que rarement et difficilement, ce qui justifia cette parole qui m'avait été dite. Tu pleures tant dans ton enfance que plus tard tu n'auras plus de larmes à verser. Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance, en un mot la grâce de ma complète conversion. Nous revenions de la messe de minuit, où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. En arrivant au Buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé, puisque j'étais la plus petite de la famille. Papa aimait à voir mon bonheur, à entendre mes cris de joie en tirant chaque surprise des souliers enchantés. Et la gaieté de mon roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur. Mais Jésus, voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouvât de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée, et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Je montais alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Ô Thérèse, me dit-elle, ne descends pas, cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier, et, comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers, et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets, ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux, et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi, et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. En cette nuit de lumière, commença la troisième période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pas pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Comme ses apôtres, je pouvais lui dire « Seigneur, j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. » Plus miséricordieux encore pour moi qu'il ne le fut pour ses disciples, Jésus prit lui-même le filet, le jeta, et le retira rempli de poissons. Il fit de moi un pêcheur d'âme. Je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pêcheurs. Désir que je n'avais pas senti aussi vivement. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et depuis lors, je fus heureuse.